regard plus ancien que les sables, les vents gravés son nom sur les pierres. Chaque grain de sable connaît sa guerre. Pas besoin d'armes, pas besoin de roi, sa voix seule suffit à faire plier la foi. La victoire, il promet le chemin. Ceux qui le suivent savent pourquoi, et ceux qui doutent finissent dans le sable fin. Riders qu'il ne commande pas, il inspire, il incarne, il transforme. Même les machines se taisent quand sa voix traverse les formes. Une offrande, un feu qu'on abrite. Ces viewers ne sont pas des ombres, ils sont les piliers, les membres de son monde. Riders qu'il montre le chemin, c'est dans leurs cris qu'ils puisent demain. Pas de show, pas de masque brillant, juste la vérité vibrante et brûlante. Chaleur plombe la terre et que la lumière brûle la chair. Il reste là droit dans l'épreuve, ses mots glissent comme une preuve. Même seul dans la nuit profonde, ses viewers forment une seconde onde. Ils cliquent, ils chantent, ils regardent et ensemble ils bâtissent la gare.